Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Dans cette édition du Poste d'écoute, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que nous, assez fou, parce qu'à chaque semaine, on reçoit des caisses et des caisses de nouveaux CD, et c'est notre mission de les déballer un à un pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est un petit peu moins bon. Un petit avant-goût pour l'instant de ce qui se passe du côté francophone. Cette semaine, on va entendre De Mars et aussi le Martin le Duc Band. Il va y avoir Exterio et Corias dans le rap. Mais on commence avec un nom que l'Underground connaît quand même pas mal. C'est Avec Pas de Casque. Leur nouvel album s'appelle Dans la nature jusqu'au cou. Et à l'instant même, on écoute la première pièce qui ouvre ce CD. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute à C'est Fou 89.1 FM. Et allez voir tout de suite le www.unechance.com pour suivre l'émission avec nous. Et allez voir les sites internet de tous les artistes que nous écouterons aujourd'hui. Hein? Si t'es interactif comme ça, même pas de bon sens. Dans la nuit, un sentier qui va pour plus loin. Mon radar voudrait pouvoir penser à rien. Mais dans la tempête, nos lumières brillent dans le beurre. Le vent comme un gun à clous qui fonctionne bien, me traverse de bord en bord. J'avais besoin de sortir dehors, de sortir de moi-même. Une chance sur un milliard qui en vaut la peine. La profondeur, tu lui diras que je suis maître nageur. C'est un mensonge, mais il est si rassurant. Une épaule immense, une voix qui veut me perdre. Le singe. Je relis les points, mais je vois pour la forme. Vire de bord, crie mon instinct au bout de sa corde. Il faut se voir davantage. Il faut se voir. J'avancerai avec des intentions honnêtes. Tu sauras quoi dire pour apaiser le singe.

ce qu'on va dormir ensemble. Comme une envie soudaine de crier ton nom tellement fort. Comme une envie soudaine de crier ton nom tellement fort. On vient de passer une bonne dizaine de minutes avec le nouvel album d'Avec Podcast qui s'appelle Dans la nature jusqu'au cou. Ça, c'était la pièce L'amour passe à travers le linge. Avant ça, c'était Dans la nature et on a commencé avec Apaiser le singe. Donc, grosse boîte. La compagnie est fière de présenter le nouvel album d'Avec Podcast qui est Dans la nature jusqu'au cou, qui est disponible depuis le 28 octobre. Après nous avoir offert 3 chaudières de sang récoltant 2 nominations au Gala de la Disque en 2006, le groupe nous revient avec un deuxième album aux mêmes saveurs country folk minimaliste. Ce duo devenu trio propose 11 chansons simples et dépouillées, disent-ils, sur des textes d'une lucidité déroutante signé Stéphane Lafleur. Le premier extrait qu'on a entendu dans Nature, ça c'est la pièce numéro 2 qu'on a joué, est en écoute sur le site de Grosse Boîte en ce moment et donne le ton à cet album tout en subtilité à la fois touchant et réconfortant. Né de la rencontre entre un drum valise et une guitare de chez Sears, Avec Podcast qui explore un folk country grunge à saveur lo-fi aux textes imagés. Le groupe joint les rangs de l'équipe Dare to Care et présente au printemps 2006 un premier album officiel intitulé 3 chaudières de sang. Enregistré à la maison par les membres du groupe, l'album offre un folk artisanal et dépouillé. L'album est acclamé par la critique et récolte même 2 nominations au Gala de la Disque de 2006, dont celle de l'album country de l'année. La même année, le groupe a également remporté le prix miroir de l'artiste d'ici au Festival d'été de Québec. Durant les 2 dernières années, APDC a assuré la première partie de plusieurs groupes, ainsi que participé à plusieurs festivals, dont le FME, les Francophonies de Montréal, Pop Montréal et le Festival international de musique incroyable, le FIMI. Dans la nature jusqu'au cou, enregistré au printemps 2008, marque le passage du groupe sur l'étiquette francophone Grosse Boîte, Avec Podcast qui présentera son nouveau spectacle en novembre dans le cadre des coups de cœur francophones. Et justement, j'ai les dates. Il y a ce soir, si vous écoutez le vendredi, nous sommes le 7 novembre, c'est aux Haricots de Saint-Hyacinthe. Ensuite, il va être le 8 novembre, donc demain samedi, au cabaret du Musée Juste pour rire de Montréal. Ensuite, le 14 novembre au Cercle de Québec et le 15 novembre au Café Combio de Chicoutimi. Là, j'étais sur leur MySpace, là, très intéressant, myspace.com/ avec pas de casque, qui nous dit, entre autres, le nom des membres du groupe, Stéphane à la voix et la guitare, Joël à la batterie et la bonne humeur, Nicolas au slide et aux objets divers et ou douteux. Leur site officiel est le avecpasdecasque.com, donc allez-y tout de suite si ça vous intéresse. L'album s'appelle Dans la nature jusqu'au cou. On passe du côté anglophone pour aller entendre un Canadien qui s'appelle Luke Jackson. Son album est And Then Some. Tout de suite, voici les premières pièces de l'album. On commence avec Come Tomorrow et ça s'en vient pas demain, mais maintenant. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble, à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM. C'est fou, ça! Ouais, je sais que j'ai la fouard de ça. C'est de même! Hein? Faith in my heart. poste d'écoute. Drifting snowflakes in the middle of July. We could lie in bed till noon. All day breakfast at your favorite greasy spoon. We're taking pot shots at the moon. Down here. The time away. All that winter as the sunlight filtered in. We were only waiting for this life to. A moment, a reminder of the past. As the fog cloud disappears, whispered wishes from your lips to God's ears. Yeah, I can only hope he is up there. Retour le Martin Leduc Band dans le poste d'écoute. You're gonna hate me this time. Lately, I've been feeling greatly like I'm on a train to somewhere, to where I'm going. Beneath my feet the grass is growing. It's cold outside, it might be snowing. I guess there's just no way of knowing. Not this time. I drain all the laughter from your face. Lie here, I think I'm gonna die here in your place. Thinking about the time we spent, how the way we met was heaven sent. Now I'm here and you are there, and it's way too easy not to care. So I think about the moonlight mile and the way it felt to make you smile. But the memories fade into each other. I think I'm gonna need another day. Gonna burst my bubble this time. Hoping that you were only joking last night. Think I'm on the road to nowhere. Bits of wood and sand in my hair. Slept all night and through till morning. Caffeine kicks in, still I'm yawning. And who are you to speculate about the shape of my heart and my mental state? You're in my head to keep me flying. So I guess there can't be no denying. L'artiste canadien Luke Jackson dans le poste d'écoute. On vient d'entendre la pièce Trouble, précédée de This Life. On a débuté avec Come Tomorrow. Donc, Luke Jackson qui vient de Toronto. Mm-hmm. Son site web est au lukejackson.com ou encore myspace.com/Luke_Jackson. L'album s'appelle And Then Some. Vous pouvez entendre des pièces sur son MySpace. Il y en a au moins 5-6 là-dessus. Donc, c'est très satisfaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié aujourd'hui. Ça, je sais pas, les deux premières pièces me faisaient penser à genre des génériques d'émissions de télé. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que le refrain faisait très, très « Voici une petite comédie bien drôle ». Je sais pas, ça me met dans le mood, j'aime ça. Luke Jackson, l'album est « And Then Some ». On retourne du côté francophone pour aller entendre le Martin Leduc Band. Son album s'appelle Chanson à vendre, oui. MartinLeducBand.com pour en savoir plus si vous voulez le faire maintenant. Mais tout de suite, on s'en va entendre Alerte aux morts vivants. Tout de suite, dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM. Attention, alerte aux morts vivants. Et plus que jamais, ils sont vivants. Ils courent les rues, les cafés, les bords. T'ouvres les yeux, pas le choix de les voir. Ils te touchent et te transforment. Pour vivre en couche avec des normes. Fait que pis ou que c'est pas permis. C'est criminel, oui, oui, ben oui. Oh oui, ces quatre murs bien encastrés d'appareils qui font tout pour toi. Tu travailles plus pour tes payés, mais c'est supposé t'opposer. De là tu regardes l'extérieur en te cherchant un mal de cœur. Rivé sur ta chaîne météo, qui sert à quoi, c'est toujours beau. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. On passe à deux pouces de se faire tuer par des pancartes. Les dangers qui sont souvent trop bien placés. Tu te pètes le nez au lieu de tomber. On a tellement peur d'avoir mal, d'être vu comme un animal, faisant nos enfants des petits cœurs devenus fragiles par manque d'erreur. Oh oui, fonctionner à l'envers. Jouir et marcher de travers. Travailler seulement pour manger le reste du temps pour s'écouter, pour se garder la tête en main. Même en janvier, je me fous de l'année. Fête Noël quand s'il fait noir. Et ton Valentin le mardi soir. J'ai des pieds et des mains pour quand je veux me faire du bien. Avec si peu de temps en banque, faire tout ce qui existe, moi ça me manque. Au moins on est sûr qu'on s'aime bien, même si souvent on ne dit rien. Se désolant qu'on n'a pas le temps, être un humain c'est exigeant. Oh oui, exigeant. Le poste d'écoute. De s'aventurer, on a peur, s'enfoncer dans les profondeurs, comme si c'était trop loin du cœur. Pour la moyenne, c'est le malheur. Pour ton jour, soit l'autre, on se retrouve face à la faute, essayant par tous ses contours de pénétrer dans ce détour. Vois ce qui attend au fond du puits sans boire dedans que la surface dans son ampleur parfois du beau qui fait peur. Puis on patine comme une comptine sortant les mots de la piscine qu'on vide au même taux qu'on remplit mais qu'on voudrait boire à tout prix. Ne reste que le reste soit son histoire et puis sa veste pour mieux la voir. Cette petite peste qui rit de nous quand on s'y verse. On la tord, la tire, la fait cuire pour qu'un jour soit prête à servir dans bien des plats tant qu'à servir. Mais voilà qu'on s'empêche de dire. Une main tranchante en des branches nous semble la vie vraie cette fois-ci. Où on y a bien échappé à cette ridiculité. Vite au tiroir des oubliés. Je tombe si dangereusement. Tu n'as qu'à tout mettre dedans, me dit l'agent de son accent. Au souvenir, il est ouvert à tout ce dont on n'est pas fier et ce à quoi on se réfère les jours où on décide de se taire. De l'enfant qui doit apprendre par cœur à l'arbre qu'on peint seulement en fleurs, aux ordinateurs répondeurs qui masquent la mauvaise humeur. Tellement de livres et comptes de peur pour ne plus jamais faire d'erreur. Et le pauvre fou dont les docteurs à tous les jours consomment la peur. Allez, allez. Dans vos oreilles. 89.1.1. Hey, mais c'est quoi ce riff-là? On dirait que je connais ça. Ça a l'air d'une chanson sortie d'hier. Oh, je le fais-tu, je le fais pas. C'est qui a décidé ça? Des accords, ça se volait pas. La loi tranchera pour mon cas. Alors j'y vais, je me sers mais le couteau à la chair pour une autre toune de trop sur des accords commerciaux. Je sais bien que c'est déjà dur d'endurer toute cette friture, mais la portée de cette chanson s'arrête aux limites de son nom. Chanson commerciale. C'est pourquoi quoi. Je serai poli comme un fils de pape la nuit. Je ferai pas le mal, promis. Je suis un pantin qui oublie ou un chien qui obéit. Heureux et le cerveau creux au pied que le maître lui dit. Sinon des ennuis t'en veux. C'est en plein genre de chanson que les gens diront ah que c'est bon. Donnera pas mal à tête. Émotion facile sur air de fête. Il faudrait pas je perde ma job. Mon patron me rappelle à l'ordre avec une propreté d'image bien plus grande que ma propre cage. Je vais la laisser toute propre pour les normes de la musique pop. Sans dire de gros mots sales pour éviter tout scandale. Elle sonnera pas trop rock pour pas qu'il y en ait que ça choque. Et surtout pas trop high, non faudrait pas qu'elle écaille. Ce sera le plus grand hit pour le plus grand nombre. Car notre Dieu ici possède toutes les longueurs d'onde. C'est la loi du plus fin à qui revient tout le foin. Monopole sur les médias, mange nos fruits gros, ben mange donc pas. Bon, je pense que je ferais mieux de la farmer avant même de commencer. J'ai encore rien affirmé, c'est juste les mots qui ont coulé. Y'a même pas eu de changement de ton, car on sait que de toute façon, une chanson c'est pas trop bon quand tu donnes ton opinion. Ça doit rester standard avec un goût qui endort, sans trop de poivre ni de sel, beaucoup de sauce universelle. Et ses propos, si je les dis, je pourrais avoir des ennuis, jour où je voudrais être choisi par les doyens de la grande académie. De la grande académie. De la grande académie. L'hommage aux chansons commerciales, presque, du Martin Leduc Band, c'est leur album Chansons à vendre. J'ai bien aimé les paroles de cette chanson-là. Justement, c'était le tiroir des oubliés. On a commencé avec Alerte aux morts vivants. Ici, dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine. Donc, le Martin Leduc Band, c'est du rock country progressif. C'est québécois. C'est pas marqué la ville sur leur MySpace, pas l'impression. L'album est sorti le 23 octobre. On vient de le recevoir ici à C'est fou. Martin Leduc est à la voix, la guitare rythmique et à l'harmonica. Jimmy Lord, ou Lord, à la batterie. Josiane Rouette à la trompette, Sylvain Lamotte à la basse et Maxime Racicot à la guitare principale. Allez voir myspace.com/Martin Leduc Band ou encore le martinleducband.com. C'est juste Martin Leduc Band, pas de là. Ils sont en spectacle. Ils étaient au spectacle hier. Quel dommage d'avoir de ne pas avoir mentionné ça. C'est fou, je crois. En tout cas, moi, je l'ai pas fait. C'était au Café Bar Le Zénob. C'était hier, donc à Trois-Rivières. Ils vont être le 13 novembre à 19h au bar Les Beaux Dimanches de Sherbrooke et puis ensuite le 20 décembre à l'Hémisphère Gauche de Montréal. Si ça vous intéresse, bah encore une fois, le martinleducband.com ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. On continue, on passe du côté anglophone pour aller entendre Ryan McMahon. Son album s'appelle Weeks, Months, Years et tout de suite, voici I Tried to Run. Dans le poste d'écoute. Less than it. to the way it was. I tried to run, but I ran into the way it was. Le poste d'écoute. Need to wake up at your place. Go downstairs and get the paper. See, my world's not a basket case. Lordy knows I try and I try to keep it simple. There's a better way. Don't you know we'll get there someday soon? I hope to God. Things alone, but pretty soon I'll be gone, and just the thoughts on dust this town. Pretty soon all I know will be gone. I sleep in past noon again. I never want to grow up towards an end. I'll be gone, and just the words I leave to hum. Pretty soon all I know will begin again. So what are we waiting for? Sometimes the mundane days are all that keeps me home. Sometimes I'm me, but sometimes in the end I'll come around. Ryan McMahon avec What Are We Waiting For, précédé de Comeback et de I Tried to Run. Ça fait partie de son nouvel album Weeks, Months, Years. C'est du rock alternatif Roots. Il vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Allez voir RyanMcMahon.com ou encore MySpace.com/McMahonRyan. Vous passez par le site de l'émission, c'est toujours plus simple, au www.unechance.com. J'ai bien apprécié ça aussi, l'album et Weeks, Months, Years, je le rappelle. Voilà. C'est presque la fin de la première heure du poste d'écoute de cette semaine, donc on va terminer ça pour les auditeurs du vendredi avec pas grand-chose, un extrait de la pièce Carotro de l'album Carrots and Eggs de Mocha Only. Les auditeurs du samedi et du mercredi, donc les rediffusions, ont toujours 20 minutes de contenu additionnel, donc eux, ils vont entendre d'autres pièces de Mocha Only, qui est un groupe de hip-hop progressif indie d'aussi de Vancouver en Colombie-Britannique. Allez voir urbnet.com/Mocha Only ou encore myspace.com/Mocha Only. C'est là-dessus qu'on se laisse. Les gens qui m'écoutent le vendredi, ben, vous allez vous renseigner avec les nouvelles de Radio-Canada. N'oubliez pas que sur le site web, il faut aussi télécharger la balado-diffusion. Ça, c'est toujours le fun si vous voulez réentendre, dans le fond, les pièces que vous avez ratées si vous écoutez le vendredi. Ben, vous êtes pas chanceux, vous autres. Hein? Restez avec nous. C'est le poste d'écoute au 89.fm. It will be easy. Urgency. Oh, this is the greatest thing you could possibly do. Their minds are hungry. If we don't do it, we've not done them any good. And so you're right. You're on the right track. Okay, okay, I'm feeling me. Yeah, okay, okay, y'all feeling me. Okay, okay, I'm feeling me. Okay, okay, y'all feeling me. See, I don't mean to be far out. I just go the bizarre route with my cards out. And I keep my heart on my sleeve. Fuck self-doubt. You walk around like you got gout instead of clout. Wobbling and hobbling till you all out of hope. I don't slip on end of rope. I suspended it. I suggest you do the same. Really, what I'm supposed to do out the game? Shit still exciting to me. More titles to claim. So many new styles that I vary. The most exciting thing since the library. Yeah, journalists know it's my turn to piss on any artist. None of y'all retarded as this. The business is shit, but you gotta persist. For real. That's what you get. That's what you get. That's what you get. That's what you get. That's what you get. That's what you get. This is what you get. That's what you get. This is what you get. That's what you get. This is what you get. That's what you get. This is what you get. Yeah. Just informed, I gotta move out my house. Landlord, no, this has just made the loss of the game. All this is nothing cause I'm coldest. Golden as a goose, but I'm chilling in my soulless. Spun a lot of tails and exhibited my polish. Hit a lot of nails, not inhibited, abolished. In the hallowed halls of the game, where you still crawling. Quarter after one in the AM, I'm getting started. Still looking young at a club, I get carded. But I ain't go to the club, I'm on some hermit. Filthy as a varmint, in this headspace I earn it. My right to be alone, but influence the current. That's what you get. This is what you get. That's what you get. No. This is what you get. I'm back. That's what you get. This is what you get. Really that's back. What you get. This is what you get. That's what you get. This is what you get. That's what you get. This is what you get. Yeah. I wanna shout out all of y'all out there to keep supporting the mammal. Yes, sir. To keep me under pressure. Yeah, but it makes me fresher. 2008, hip hop is back. It's time to get it straight for real. Yeah, everyone, this is Psy. I'm here to explain to you the way that this album works. I will be taking you along the journey that is Carrots and Eggs. If you have any questions, feel free to dial in. That's 1-800-PSY-NOPE. If you can't spell my name, then you'll probably get an old lady on the line. But any way you look at it, this album is about carrots and eggs. Don't let anything mislead you into believing that it isn't. ruse. Envelop, soak yourself in everything that the egg has to offer you, and the carrot will do to you. Eggs. Money in the pocket that goes down the drain on the first of the month. There's no need to front like I ain't got troubles that I need to overcome. Sometimes I think, just get me over the hump. This money, man, shit'll break your heart like your bitch. A smidgen over tits of some difficult shit. Switch the style, pack it up, hit the road like Mike T. Another week of this shit, I might explode. Load from this side only when I'm on the street. People think it's all kind of rosy, but you're highly mistaken. I'm highly fist-taking on the situation. If you're waiting to see starvation, dude, ask what they do. Don't ask. Nobody beatin' nothing, no gun charges, no beef, no Robitussin. Wasn't hard like 3 years back. I travel in the mind there frequently. You find that I made a bunch of missteps. This sucks. A soul of mischief like my A+. Fuss that I'm gonna get back on the bus and won't rust like some metal in a scrapyard. What? Just what you told me, boss. Let's see them. They're down here. See? There they are, the carrots. You really messed it up, Lefty. But, boss, you wanted carrots, and there are some carrots. You really blew it. Sure, those are some carrots. Yeah? But that's not how many carrots I want. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, il y a plein de bonnes choses là, qui s'en viennent, dont du francophone. Oui, il nous reste encore du francophone. Il y a du rap avec Corias et Les Racines dans le béton. Et on va entendre Extérieur présente, l'album Monstre, première partie, Le Complot. Tout ça un peu plus tard. Il va aussi y avoir 2 mars avec un EP ou un maxi de 4 pièces. Mais on commence avec du canadien anglophone. C'est la formation Parler. Et tout de suite, voici Pen to the Paper. Dans le poste d'écoute. Pen to the paper. Je suis pas chaud de positionner quand tu dis ça. Pen to the paper. The parlor. Dans le poste d'écoute. We'll be right back. Le poste d'écoute. You are. Les trois premières pièces de l'album de la formation Parlour, ou encore Parlour, ou encore Parlover, une formation de Montréal. Leur pièce était Pen to the Paper, ensuite Send Walking et On the Phone. Et la raison que je sais pas comment prononcer le nom du groupe et que j'avoue mon ignorance, c'est que sur la pochette et partout, c'est écrit P-A-R-L-O-V-R, comme dans Parlover. Mais leur adresse MySpace est myspace.com/parlourmontréal. Donc on peut s'imaginer que c'est un V comme dans l'ancien temps quand que le U et le V s'écrivaient pas mal pareil. Bref, je vais dire Parlour. Si ça vous dérange pas trop. L'album est sorti début octobre, on vient de le recevoir assez fou, c'est de l'alternatif montréalais. D'ailleurs, ils sont en spectacle... Oh, il n'y a pas de d'ailleurs, j'enlève le d'ailleurs de phrase. Ils sont en spectacle en Ontario ce soir à 19h, nous sommes le vendredi 7 novembre en direct. Ensuite, ils vont être toujours en Ontario là, le lendemain, et puis ils viennent à Montréal le 21 novembre à la Sala Rossa avec pour le Lickety Split Zine Launch, lancement du magazine Lickety Split, avec Coolies et Nightwood. C'est à 22h le 21 novembre. Les membres sont Festooned and Mirror à la guitare et la voix, Tin Spoke Box au clavier, à la guitare et à la voix, et Red Oak Frame à la batterie. Sinon, leur vrai nom, c'est Louis Jackson, Alex Cooper et Jeremy McQuish. Une guitare pas chère de chez Kmart, une batterie, deux morceaux et un clavier avec sa propre tête. Serait tout seul si ce n'était pas de la formation Parlover autour d'eux. Très mauvaise traduction de ma part, je m'en excuse. Sinon, allez voir le myspace.com/parlourmontréal, c'est beaucoup plus simple pour vous renseigner. Sinon, il y a aussi un courriel. Oui, parlourmontréal@gmail.com, c'est ce qu'ils ont écrit comme site web. Petite citation de Élodie Gagnon, animatrice sur Bande à part .fm. Je suis tombé en amour... en amour avec leur musique indie rock trash accrocheuse qu'ils qualifient eux-mêmes de sloppy pop ou pop délabré. Leur chanson Sever My Ties est une véritable bombe, et que dire des autres pièces foisonnantes et romantiques, du bonbon à se mettre dans les oreilles lorsque le printemps fout le camp. Nyaah. Et ça dit aussi Parlour are gonna be huge, selon le Montreal Mirror. Donc moi, en tout cas, c'est l'album que j'ai le plus apprécié jusqu'à maintenant dans l'émission. J'ai vraiment adoré ça. Parlour, avec leur album éponyme, c'est adorable. On continue avec tout francophone encore. Pourquoi donc? Non, en fait, l'autre est anglophone, je viens de me rendre compte. On passe au francophone, d'accord? On pourrait l'entendre de Mars avec son maxi de 4 pièces. On va tout de suite entendre Besoin d'amour. J'espère qu'il n'y aura pas un featuring de Guy Lepage. Ça se passe tout de suite dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble au 89.1 FM. Ah, blague que personne ne comprend. Hein? Vive tes QS de ma jeunesse. Yeah. C'est le poste, d'écoute. Revêtu d'une blancheur de soie, lèvres moites, premier baiser, plus satisfaisante qu'une bouffée d'air, un autre innocent s'écroule à tes pieds. Tu t'embrasses sous son épiderme, acharné à conquérir sa volonté, l'empoisonnant à petit feu, ton emprise le contraint à se prosterner. De t'indigner, tu dardes un regard à en crever les yeux. L'ironie, tu prends joie à écraser ces pauvres malheureux. L'indépendance, source endiablée, cruelle sorcière, aux femmes préméditées. L'indépendance, vous force à vous résigner. L'indépendance, l'indépendance. Revêtu de blancheur de soie, lèvres moites au premier baiser, plus satisfaisante qu'une bouffée d'air. Un autre innocent s'écroule à tes pieds. L'indépendance, mal endiablée, l'indépendance, vous force à vous résigner. L'indépendance, dépendance, l'indépendance. C'est là, au retour, on écoute Division Kent et Extérieur dans le poste d'écoute à C'est fou 89.1 FM. Les microfiltres qui marchent la terre, rêvant un jour d'y faire fortune, sont toujours trop facilement indisposés au moindre virus qui vient de s'y nicher. 76 kg d'oxyde de soufre nous traversera le corps le temps que bleu la boule se remette au départ. Tes flaques d'eau, tes crevasses, parsemé de verdures hérissées, au contraste de traits escarpés, maintes fois sur canevas capturé. Tu te rabats le ventre sur les morceaux pompés, sans aucun regret, honte, orgueil ou culpabilité. Sache qu'une montée judicieuse en prise de conscience s'avérera un jour renverser tout ce mal de violence. Névrose urbaine, comme une renoncule rampante, s'infiltre de façon insidieuse, glaciale et malséante. Contreplaqué, béton armé, poutre d'acier et fer forgé, verre trempé, vitre fumée, pierre concassée, plastique à bon marché. De quoi la vie s'en vider? Molécules moins dispersées, cocktail lyophilisé de toute aridité sur lèvres paralysées. Névrose urbaine, comme une renoncule rampante, s'infiltre de façon insidieuse, glaciale et malséante. Renoncule rampante s'infiltre de façon insidieuse, glaciale et malséante. De mars, dans le poste d'écoute qu'on vient tout juste d'entendre avec la pièce Névrose urbaine. Juste avant, c'était La dépendance. On a débuté avec Besoin d'amour. De mars. Que dire de plus? Oh, que moi, j'aime pas ça. Hein? C'est quand même pas pire comme opinion. C'est un artiste québécois pop-rock alternatif. C'est juste pas mon genre de musique. C'est très, très subjectif. Ça dit « Comme un vide à l'intérieur, cherchant à se disperser et côtoyer la lumière. » La musique erre depuis longtemps au fond de cet artiste qui est De mars. Compositeur hors pair, il s'amuse à fignoler des airs pour trames sonores de films et télévision. Fin 2005, bifurcation d'événements l'amenèrent à de sérieuses décisions, d'où naquit l'idée de réaliser un album pop-rock francophone. Un travail acharné, des mélodies somptueuses et un désir de passionner les gens en résultèrent. De mars a composé et réalisé Terriblement terrestre. Zarat, Lise Gaudreau, Karim et De mars ont écrit la poésie et les textes. Les musiciens qui ont participé à l'enregistrement studio sont De mars à la voix, clavier et échantillonnage, PA à la batterie, Marc-André Drouin à la basse, Ken Mahoney au guitare, et là, waouh, la liste ne se termine pas. Donc, je vais faire de même. Je ne terminerai pas cette liste. De mars, donc, allez voir myspace.com/demarsmusique, www.myspace.com/demarsmusique, ou encore passer par le site de l'émission au www.unechance.com. C'est là que se retrouvent tous les liens de tous les artistes, de toutes les émissions du poste d'écoute depuis le début. Il y a aussi là-dessus la balado-diffusion qui finit par se retrouver là. Vous pouvez entendre l'émission pas mal n'importe quand. Pas mal, sauf quand l'Internet est fermé. Hein? Je sais pas. On passe à de l'anglophone, pourquoi donc pas? Allons entendre un artiste alternatif anglophone, c'est la formation Division Kent. L'album s'appelle Gravity, et tout de suite, voici Linger in Gravity dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés tous ensemble, on les déballe, on se défait les ongles, sérieusement, c'est trop dur à ouvrir ces maudits CD-là. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Pretty girls in uniform. c'est fou dans vos oreilles. Division Kent avec She's Going Places, précédé de Pat the Pan Am Pilot. Et on a commencé avec No Kryptonite, ça vient du nouvel album Gravity de Division Kent, qui est un groupe d'Electronica New Wave de Zurich. Oh, est-ce que c'est... Et là, vous allez me trouver très, très drôle. Est-ce que c'est le bon Division Kent? Je ne crois pas. Là, en vrai, c'est toi, mais divisionkent.com avec un trait d'union entre les deux. Voilà. Donc, allez-y, si ça vous intéresse. Passez par le site de l'émission au www.unechance.com, leur MySpace. Ah, ben oui, non. OK, on a noté tout ce que j'ai dit. C'était bien. Division Kent, le bon que j'avais. De Zurich, en Suisse. Oui. New Wave Electro, Indie Punk, Dub Pop, se disent-ils eux-mêmes. C'est Andrea B. et Sky Antinori, les membres de ce groupe-là. Mm-hmm. Ils aiment New Order, Depeche Mode, My Bloody Valentine, David Bowie, Hot Chip, un paquet d'autres bonnes choses. Donc c'est Division Kent avec Gravity. On va presque terminer cette deuxième heure du poste d'écoute avec Extérieur, qui présente leur album Monstre. Première partie, Le Complot. Et tout de suite, voici la pièce Square Victoria. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. À C'est Fou 89.1. Yeah. Sérieux et le complot précédé de Square Victorias avec leur album Monstre, première partie, Le Complot, ici dans le poste d'écoute. Donc, absolument sur disque depuis plus de 3 ans, le groupe Extérieur vous présente sa trilogie audacieuse nommée l'album Monstre, 3 volets destinés à 3 marchés différents, les magasins, Internet et le spectacle. La première partie, Le Complot, est disponible en magasin dès le 11 novembre. C'est aussi en téléchargement légal sur Internet. C'est lourd, sarcastique et surtout authentique, disent-ils. Ensuite, le reste, je cherche ici dans mon texte et je ne vois rien. En tout cas, laissez pas. On va aller voir sinon sur Internet www.unechance.com pour suivre les liens. Nous, on est pressés dans le temps. Il nous reste que quelques secondes avant la fin de l'heure. On va se terminer ça avec une 3e pièce de Extérieur, ou au moins un extrait pour les gens du vendredi. Les autres en rediffusion ont toujours 20 minutes de contenu additionnel. Ils vont entendre L'Idiot du village et La Cité d'or. Merci d'être là dans le poste d'écoute et puis on se revoit après les nouvelles pour les gens du vendredi. C'est le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés et on revient avec une 3e heure avec Corias tantôt. Il pleut depuis 1 an, les clous qui arrachent la face. Mais je danse sur mon balcon. Une tempête de malheur qui va laisser sa trace. Mais je danse parce que ça prouve que je suis pas un menteur. Je cache les belles valeurs d'un village fait de glace. Mais je danse sur mon balcon. C'est pas juste des histoires de folle que je comptais en surface. Jamais ça, le chaos change à fond. dans ses bras. La route est longue et on fait le chemin à la même chose. À la conquête d'une fable, le chemin sera plus de sable. Un village avant nous s'inonde et on s'entête à faire le tour du monde. Un épisode sur le câble, un projet qui tombe sur la table. Même si on sait que la terre est ronde, on veut trouver dans l'Alaska à la Mendoza. Les journées passent et on se construit des raisons pour en arriver là. La richesse et les promesses chassent l'audace du climat. La fin est proche et on s'accroche à la seule envie d'être roi. La route est longue et se termine à la Mendoza. À la conquête d'une fable, le chemin se remplit de sable. Un village avant nous s'inonde et on s'entête à faire le tour du monde. Et nous sommes sur le câble, un projet qui tombe sur la table. Même si on sait que la terre est ronde, on veut trouver dans l'Alaska à la Mendoza. Une fille se déshabille à l'hôtel du présent président. C'est seulement une étape de plus pour faire passer le temps. Mais quand la magie tombe au rythme d'un billet pris dans le vent, on reprend notre chemin et on grave un nom commun dans le néant à la Mendoza. L'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous, hein, c'est Mathieu Plante. Là, je regarde qu'est-ce qui va se passer dans cette troisième heure. Il y a tellement de bonnes choses. On va avoir un petit spécial punk d'ici la fin de l'émission. C'est vrai. Bon, on va commencer avec du rap francophone. Peut-être pas super longtemps dans mon cas parce que j'aime bien le rap, mais quand même, c'est francophone, donc bon. Coriace avec Les Racines dans le béton. Tout de suite, on écoute la pièce d'introduction Nouveau départ, puis ce sera Le poids du monde dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM. Oh oui, yeah. Yeah. Je me rappelle, j'avais 7 ans. J'étais assis dans les escaliers devant chez nous, puis j'attendais l'autobus pour l'école. J'ai regardé par terre, puis j'ai vu une fleur qui poussait dans le crack du trottoir. Je me souviens que dans mon mind d'enfant, je me demandais comment une fleur faisait pour pousser comme ça dans le trottoir, parce que je les avais toujours vues pousser dans la terre. Un instant après, l'autobus est arrivé, je suis parti, puis j'ai plus jamais repensé. Récemment, ce souvenir-là est sorti de mon passé pour me faire réaliser que toute notre vie tourne autour de cette métaphore-là. Tout le monde monde avance comme une racine dans le béton. C'est les gens qui avancent un obstacle après l'autre pour un jour voir la lumière. Ce que je raconte, c'est le struggle des gens normaux. Les racines dans le béton. Les racines, le nouveau départ. Rien changer, tout le décor. C'est l'histoire de l'amour et la mort. Des jours et des soirs, des hommes qui se retrouvent dans les bars. C'est la rage, puis le mal de vie que je transcris sur une page de livre. C'est pour le monde comme toi qui travaille à 8 places. Comme pour les 4 qui dirent, c'est les cartables. C'est le rap, les beats, c'est les apparts. C'est les Catherine, c'est vouloir un buffet quand on fait un succès avec le même appétit. C'est la vie d'artiste sans la gloire et le dos. C'est le même tracklist dans les bars et les shows. C'est les bad trips, c'est le fort, les mégots. C'est des mille rappers, puis la mort dans la peau. C'est pour tous mes proches qui savent même pas ce que j'accomplissais. Toutes les heures d'extra pour que les fins de moi soient arrondies. C'est pour ceux qui m'appellent Manu, m'ont jamais appelé coriace. Ceux qui savent même pas que je rap, qui sur la même job place. C'est pour mes chums qui m'aident toujours à fracasser les obstacles. C'est ceux qui roulent leur chance juste pour aller acheter une boss pass. Pour les beatmakers qui font naître la magie sur un drum pad. C'est les soirs à tram et parler de la vie devant une boss flat. C'est des whack shit que je dénonce, c'est ma rage. C'est mes démons, tout ce que je cache ou que je démonte, c'est mon alias, mon prénom. La sagesse, la débauche, c'est la clarté, la pénombre. C'est juste la vie dans mes mots, les racines dans le béton. Avec le temps comme le vin, il faut un sens, quelque chose qui fait que j'avance pas pour rien. Puis mon essence, c'est la voix de ceux qui chantent mes refrains. C'est mon carburant qui laisse mon métal brûlant. Tu dis le contraire, je te donne mon album comme argument. Ma vie soit douce ou amère, que ce soit l'amour ou la guerre. Moi, tout ce que j'ai goût de faire, c'est vous faire bouger la tête sur scène. À toucher les doigts du monde, ça me donne l'impression de sauver le poids du monde. Même si chaque jour, c'est contre les remords que mon corps lutte. Oui, demain c'est loin, mais hier, ça l'est encore plus. Je te l'ai déjà dit, c'est de rire, je veux être mort. Je veux pas finir vieux et seul assis dans un bar. Y'a tellement de choses à vivre puis à faire avant de décéder. Enlève ton air, peine de la vie, c'est une fête, faut la célébrer. Lève ton verre. Ce que je donne, c'est ma vie, c'est ma tête, mes rêves, mon flow. S'enlève par magie le poids du monde sur mon dos. C'est plus que ma voix, je te donne sur un caton. Écoute mon cœur, y'a un drum à chaque battement. Tu peux entendre mon cœur battre sur les bass drums. C'est dès que le beat commence, faut que je mette mes skills en évidence. Ma vie est bruyante, à chaque fois je brise le silence. C'est là que je rentre, une autre ligne décrite, puis je passe à l'idée suivante. La passion vit dans mon ventre, mais c'est les billets qui manquent. Le vif de la musique, à chaque jour l'envie est immense. Je veux faire des ravages dans mon travail, y'a de la finesse que je mets sur ma page. J'ai toute ma rage, puis ma tristesse. L'effort est malade, check toute ma table qui est remplie de tech. Je veux avoir ma place, pas les palaces et la richesse. Ok, peut-être que j'en rêve un peu, mais c'est dans les yeux de ceux qui m'aiment que tu me vois être heureux. Je te l'ai déjà dit, c'est de rire, je veux être mort. Je veux pas finir vieux et seul assis dans un bar. Y'a tellement de choses à vivre, puis à faire avant de décéder. Chaque bande de mon track est une fight, faut la célébrer. Lève ton verre. Ce que je donne, c'est ma vie, c'est ma tête, mes rêves, mon flow. S'enlève par magie le poids du monde sur mon dos. C'est plus que ma voix, je te donne sur un caton. Écoute mon cœur, y'a un drum à chaque battement. Tu peux entendre mon cœur battre sur les bass drums. Des fois j'suis down, j'ai pas le coup de chanter des airs de fête. Mais j'retrouve le sourire debout devant une mer de tête. Des fois j'suis mal, la rage monte et m'inonde les veines. J'deviens calme devant une foule de monde qui monte, qui m'aime. Des fois j'suis anxieux à 100 lieues de bien filer. Mais j'me sens mieux devant une foule en train de crier. Des fois la vie pèse lourd, mais pour pas que j'tombe, j'compte sur l'amour que j'reçois pour m'enlever le poids du monde. Ce que comme c'est ma vie, c'est ma tête, mes rêves en flot. S'enlève par magie le poids du monde sur mon dos. C'est plus que ma voix, je te donne sur un catin. Écoute mon cœur, y'a un drum à chaque battement. Tu peux entendre mon cœur battre sur les bass drums. Les Crips, les Thugs, les filles dans les clubs qui se font skip une petite fiole dans leurs drinks. La mode, les kicks qui violent, qui tirent sur un gars qui met trois balles dans son torse pour ses kicks. La drogue, les flics, un cop qui vide toutes tes poches puis s'en va rouler ton boss sur son shift. L'école, les clics, un gars invisible pète une coche, pogne un gun et tire dans le top pour le thrill. Les vols, les deals, le cob, les bills dans nos poches qui dirigent chacun nos pas pour grossir. Les robes, les chemises que tu rock, personne dit ce que tu portes, t'es fait par un kid qui rush pour survivre. Moi j'suis là, tranquille dans mon bloc. Ma musique j'la mets forte parce que c'est grâce aux époques que j'peux free. Hey, qui t'offre pis qui empire, on serre la gorge, on s'empile dans le désordre avec l'envie d'ouvrir une porte pour s'enfuir. Autour de moi, la pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. Autour de moi, la pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid. On retourne à l'ère de glace. Voilà les tombes, la crasse, les tombes, les drames. On s'affronte prêt à tuer des nations pour une pièce sur les ondes. Les images qu'on nous montre, le gros bateau qu'on nous montre, toutes les informations qu'on nous cache. Voilà les tombes qui craquent et s'effondrent. L'asphalte, le béton qui ont remplacé la fonte et les âges. Voilà les tombes, les cartes, les fonds, les failles et la honte. Quand tu vois l'huissier qui monte dans tes marches d'avions, qui crash des millions en larmes puis qui te montre du doigt, c'est de la peau sombre et une vache. Voilà les tombes, l'Irak, le nombre de familles innocentes, tuées quand l'armée inonde leur village. Moi je dénonce à examiner le monde. Je vois les racistes et les cons qui vont taillir si t'es jaune ou t'es black. Attention où tu marches quand tu peux tomber sur un cadre qui pour ta montre sans son calibre et ta fronte. Tu bam bam. La pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. Autour de moi, la pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. Vois la mort, la misère, les efforts, les civières et le sang d'un gars qui pleure sur le corps de sa mère. Vois l'alcool, les verres, les bars, un père qui est pas là, qui laisse sa famille chaque soir pour sa bière. Assis sur un banc de parc, je regarde le monde qui marche. On prend soin de bien s'habiller, de soigner son image. Mais je vois le trac dans les visages. On se déplace sur la planète en zigzag, en sachant que ça va éclater dans nos faces. C'est la tempête incendiaire, on entend le pic des guns des enfants qui quittent l'école en se vantant comme qu'ils le profent. C'est le feu qui brûle un drapeau de Greenpeace. Je vois des sourires jusqu'en devant le flash, on dit tri. Devant l'espoir d'anti-émeute, on éclate des vitrines dans le journal. Des autres pages pour les visages de victimes. Autour de moi, c'est la merde et je me réserve le droit de chialer. Puis je te jure que la vie est belle en cachant mes doigts croisés. Autour de moi, la pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. Autour de moi, la pluie à cette tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. L'air de glace de Corias. Ça vient de son album Les Racines dans le béton. Juste avant, c'était Le Poids du monde et on a débuté avec l'intro Nouveau départ. Moi, je trouvais ça pas si pire pour du rap, honnêtement. Mon commentaire pendant que j'écoutais ça, c'était comme ça passe bien pour moi, tu sais. Le rap, d'habitude, je déteste. Là, je reçois un téléphone disant que c'était minable, atroce et dégueulasse à entendre. Donc, voilà. C'est pas pour tout le monde, le rap. Mais des fois, on en passe quand c'est francophone. Parce que c'est ça qui est ça, tu sais. Parlons de Corias. C'est le 4 novembre que sortait, le lancement était fait du hip-hop québécois, un visage prometteur de ce hip-hop québécois, dit-il lui-même. Il s'implante sur la scène musicale en présentant son premier album, Les Racines dans le béton. Appuyé par les disques 7e Ciel, compagnie derrière Anno DJ, Samian et les rassemblements HHD, hip-hop dépendant, Corias a mis le paquet pour faire de ce disque l'événement musical hip-hop de la saison. Voilà. En tout 15 titres qui viennent couronner d'aplomb l'album. En bonus, les fidèles retrouveront sa chanson En t'oubliant qu'il a fait connaître à travers la province via le Ternet. Personnel et engagé, Corias a communiqué sa pensée et son énergie au fervent du mouvement ainsi qu'aux non-initiés. Son talent pour les mots étant indiscutable, oui, il se veut fier catalyseur et rassembleur. Allez voir corias.com, K-O-R-I-A-S-S.com ou encore 7e-ciel.ca. Ou passez par le site de l'émission, le www.unechance.com pour en savoir plus sur Corias. Son album s'appelle Les Racines dans le béton. On va faire un petit détour rapide avec un simple qu'on a reçu de la formation Wild Birds and Peace Drums. On a seulement une pièce qui vient de l'album Hardcore qui est sorti au début de l'année, là, en avril. Mais moi, ça m'intrigue. J'ai envie d'entendre la pièce Doubt and Hope. Et c'est ce que voici tout de suite. In the Post d'écoute. Au 89.1. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Come on. Faut que tu l'écoutes, tu sais, c'est différent. C'est la radio autrement, comme on dit. I've been good enough, they say. But I think I love and play. But how can I be myself if I don't have the spirit and surface of face? Without faces showing my mood. The spirit filling me. The shoe man is not good enough. The human is a man. Maybe I'm nonce, I'm nonce, I'm nonce. Maybe, baby, don't call me, don't call me, don't call me that. Nothing will come through, will come through, will come and save me if I don't stop. You see cravings I don't want, cravings. Say things I can't stop acting. Like I'm born blind, I can't see the signs. You see life is a light on a dark road. Just a little hope is all I need. And I do not jump that bridge. I stop fighting, my spirit stop fighting. Just a little. La formation suédoise Wild Birds and Peace Drums dans le poste d'écoute. On vient d'entendre la pièce Doubt and Hope qui vient de leur album Hearthcore et qui est sorti le 28 avril 2008. Donc c'est quand même assez vieux, mais la pièce m'intriguait et avec raison parce que c'est assez spécial. C'est du blues pop qui disent de Västra Götalands län en Suède. Quelque chose qui ça ressemble presque à ça. Wildbirdsandpeacedrums.com ou encore myspace.com/wildbirdsandpeacedrums. C'est là que vous devez aller. Vous allez devoir aller si on veut. Pour en savoir plus ou passer par le site de l'émission au www.unechance.com. Il y a des vidéoclips sur leur MySpace. Assez intéressant, allez voir. On reste dans l'anglophone alternatif pour aller découvrir, en fait, dans mon cas, peut-être que vous connaissez déjà, Asian Dub Foundation avec l'album Ponkara. Hein? Ponkara. Tout de suite, donc, voici la pièce Target Practice. On découvre toutes les nouveautés musicales ou au moins, je dirais, un 12e cette semaine. C'est incroyable comment il y en a. Beaucoup. Check reflections in shop window. It's too much. Open the eyes in the back of my head now. Open fortunes in shop window. A flash of silver over the gold. Open the eyes in the back of my head now. As I look into the moving shadows, you never know where or when. But if they go on fire, I'll take a bullet for you. I'll take a bullet for you. Let's go. poste d'écoute. Asian Dub Foundation avec la pièce Superpower, précédée de leur simple Burning Fans. On a commencé avec Target Practice avec leur album Pankara. Allez voir myspace.com/AsianDubFoundationUK. C'est un groupe qui vient donc du Royaume-Uni. C'est du punk drum and bass. Dub, évidemment. Ou encore, sinon, leur vrai site web, c'est AsianDubFoundation.com. Les membres sont Al Ramjin, Babu Storms, Akhtar Vitor, Fritpa Rajput, Sanjay Taylor, Steve Chandrasonic et John Pandit. Passez par le site de l'émission si tout ça vous échappe. C'est le www.unechance.com. On se dépêche parce que tantôt, j'ai promis un petit spécial punk. Et là, ben, comme il nous reste une quinzaine de minutes à l'émission, on va l'entendre ça en rafale. Il y a, pour commencer, la formation Hard Charger avec leur album Noel 119. On va écouter les quatre premières pièces qui sont extrêmement courtes, en bas de 2 minutes pour toute la gang. Tout de suite, voici Hell Train. C'est une pause d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça, comment c'est punk pendant une quinzaine de minutes des fois. Where's my fucking truck? Des fois, on découvre de la nouvelle musique dans le poste d'écoute. Des fois, on découvre des nouveaux bruits. Et ça, c'était Hard Charger avec l'album Noël 019. On a entendu les trois premières pièces. J'arrêtais à 3, 4, ça arrêtait un petit peu trop. Hell Train, Pipe Bomb et Beer Bandit. Si c'est pour vous, ce genre de musique-là, allez voir myspace.com/HardChargerMusic et je vous félicite de votre talent de passage au travers de choses. Voilà. On s'en va entendre la formation de Zeitpunks. Leur album est Finisterre. Tout de suite, voici Papyrusen in Gan Eden. Et ça, ça a l'air pas mal plus fun. Pas mal plus pour moi, ça, je pense. Eine kalte Nacht in der Blütecke, Fenster rum und dumm. Steht die Engelle verträuert und guckt sich herum. Von Regen schützt nur ein Land. Kuschel hält deren Hand und seine Augen beten jeden Sturm. Ich hab schon nicht kein Kurach mehr herumzugehen im Geist. Hungerig und abgefressen von dem Regen nass. Die Schlüpfer um sich wunder gehen, im Keller gehen die Schuhe dienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Ich will dich retten, damit er dir erst einmal entwickeln. Das ist mein Schrei. Abbey Rosalind Gan Aiden de la formation The Zydepunks. Ça vient de leur album Finisterre. Dans le poste d'écoute, ça c'était du folk, rock, punk, folk. C'est très très bon. Ils viennent de la Louisiane, de Nouvelle-Orléans. Oui, et leur slogan sur MySpace c'est « La vie est courte et cruelle ». Et c'est même écrit en français, c'est-tu pas adorable. Denise Bunny au violon, Eve à l'accordéon et à la voix, Joe Lilly à la batterie, Heidi Martin à l'étranglage de chat. Oui, et à l'art. Scott Potts à la bass et Tijuan à l'accordéon, au violon et à la voix. Allez voir myspace.com/zydepunks, Z-Y-D-E-Punks avec un S, ou encore zydepunks.com, j'ai aucune idée, c'est zydepunks, zydepunks, quelque chose du genre. Tantôt, si vous voulez être surpris, là, on a entendu Hard Charger, c'était atrocement mauvais pour mes oreilles, ça. Ils viennent de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Je tenais à le préciser, c'est drôle. Bon. Nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est se quitter ici avec une deuxième pièce de The Zydepunks. On va entendre Angel Whiskey. Et juste après, les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi qui ont 15 minutes de contenu exclusif, ben vous allez entendre The Gaslight Anthem avec l'album The 59 Sound. Ça va s'enchaîner, ça, comme de l'huile dans le beurre de quelque chose. On va entendre les pièces au moins Great Expectations et The 59 Sound. On verra pour le reste. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis à 10h, pour une autre édition du Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. Je vous retrouve aussi à Écoutons la chanson les lundis et au Palmarès C'est fou les vendredis. C'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre à 13h les vendredis. Bonne semaine tout le monde et bonne chance! Killing time she'd never found. Devon Town, Devon sales, your dirty shades of gray. Who is you and where you at? Thousand words, a smile, man, so stress check. Where are my friends? Surely at the hands. Whiskey was a name, it's funny, it was all the same. Man singing the ukulele, night turned into day. Eyes like starlight, pinnacle, a wing and laugh, flipping song. My innocent caught up, I sent my little friend shalom. Ain't no whiskey, my disgrace, I couldn't stand to your face. Eyes were going grand, true to an empty soul. In another city, cop forgot, I left my living too hot. Ain't no whiskey, please don't leave me to this fate of mine. I came to town, this dead man's dream, this widow's gown, despair from the devil's realm. Jealous to the end, the old folks in the drunken home. So women roam, the battered ghosts, hearts of men are turned to stone. The children are in the town. Ain't no whiskey, my disgrace, I couldn't stand to your face. I start going gray and true into an empty soul. Nighttime turning insane, and all that left by me to pray. Forgive me for a thousand nights that I will never know. My past with a price, a wicked roll of the dice is all that it took. Gambling on another town, bring it on, repayment back, testing by my hand, just let my sire quest for love. Some say he took it from my side, some say she had to kill my pride. Whiskey as my only guide, and I guess I was lost. When it's stone that wicked dawn, and I saw she was gone, my heart's dead like a tombstone into a lake of fire. Angel whiskey, my disgrace, I couldn't stand to your face. I start calling grand true into an empty soul. Nighttime turning into day, and all that left for me to pray. Forgive me for a thousand nights that I will never know. That I will never know. We'll be right back. Master. young boys, young girls, young men. Ain't supposed to die on a Saturday night. Young girls. Ain't supposed to die on a Saturday night. Well, it ain't supposed to die on a Saturday night. Young girls. Ain't supposed to die on a Saturday night. You and your high top sneakers and your silly tattoos and your-